intention de départ était bonne. En créant l'Agence nationale de la recherche, le gouvernement de l'époque, celui de Jean-Pierre Raffarin, répond à une exigence de longue date de la communauté scientifique. Aligner la France sur les modèles internationaux, à savoir le financement sur projet de la recherche scientifique par une agence pilotée par l'État. Mais 12 ans après sa création, le bilan de l'ANR est de l'avis collectif calamiteux. Son budget a été diminué de moitié, à peine plus de 10% des projets présentés sont financés. La recherche fondamentale est totalement oubliée, le tout enrobé d'un fonctionnement technocratique illisible. Le nouveau gouvernement affirme vouloir tout remettre à plat. Oui, mais comment ? Quel avenir pour l'Agence nationale de la recherche ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour apporter des éléments de réponse à cette vaste question et plus généralement au problème du financement de la recherche en France, trois invités ne seront pas de trop. Bonjour Patrick Petitjean. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris, ancien président du comité ANR physique subatomique, sciences de l'univers, structure et histoire de la Terre que vous avez quitté en 2015. Bonjour Sylvestre Huet. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique indépendant, auteur du blog Science au Carré, hébergé par Le Monde. Et Yann Renisio, bonjour. Bonjour. Renisio, vous m'avez dit d'ailleurs, donc bonjour. Je vais m'y tenir. Vous êtes post-doctorant en sociologie au Collège de France, associé au Centre Maurice Alvax, c'est ça, Alvax, c'est ça, tout Alvax. À fait. Il y a beaucoup de consonnes dans ce nom de famille. Vous pouvez nous suivre sur les ondes et comme chaque jour sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Alors avant de rentrer dans les détails, je le disais rapidement dans l'introduction, hein, le bilan de l'ANR et de la vie collective calamiteux. Et c'est vrai que lorsqu'on plonge un peu dans le dossier, on a du mal à trouver des gens pour défendre ce bilan. Est-ce qu'ils existent, ces gens, Sylvestre Huet, qui défendent l'ANR aujourd'hui ? Ah bien sûr, puisque le gouvernement actuel, celui de Emmanuel Macron, a décidé de continuer avec l'Agence nationale de la recherche, comme le gouvernement de François Hollande l'avait fait. Et donc tous les gouvernements depuis celui de M. Chirac et Raffarin lors de la création en février 2005 ont non seulement continué la politique décidée à l'époque, mais l'ont même accentuée puisqu'ils ont confié au fur et à mesure de nouveaux moyens et de nouvelles missions à l'Agence nationale de la recherche, qui est d'ailleurs le seul endroit où on crée des postes supplémentaires dans la recherche en France dans le budget 2018. C'est pas tout à fait le même écho du côté de la communauté scientifique et des chercheurs, en revanche, Patrick Petitjean. Oui, enfin, je voudrais dire que il y a deux manières de financer les laboratoires. Il y a une manière, il y a des financements récurrents, c'est-à-dire qui arrivent directement au laboratoire et qui arrivent tous les ans. Et il y a un financement sur projet, que permet l'ANR. Et il est certain que, je pense, la majorité de la communauté scientifique soutient une partie du financement sur projet. Mmh. Donc le problème, enfin en tout cas, le gros problème, c'est l'équilibre. C'est d'une part, enfin c'est un des problèmes, on va dire. C'est l'équilibre entre ces financements récurrents et les financements sur projet. On va revenir un peu sur cette notion d'introduction, hein, dans le financement de la recherche en France, du financement sur projet, qui était pas quelque chose ancré dans la culture de la recherche ou des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche successifs. Un mot tout de même, Yann Renisio, sur ce bilan de l'ANR. Je le disais aussi dans l'introduction, ça part d'une bonne intention. Et qu'est-ce qui s'est passé en route pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce bilan qui est en tout cas extrêmement critiqué dans la façon d'apporter des solutions de financement aux projets de recherche? Oui, alors je pense en fait que pour comprendre l'intensité de la crise de l'ANR, il faut nécessairement la restituer dans le contexte contemporain d'extrême sous-emploi dans l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que bon, en soi, si on demande à un chercheur, enfin si on propose au chercheur une agence qui attribue des financements sur projet, ce ne sera ni nouveau ni problématique en soi. Par contre, quand cette agence empiète sur le budget des laboratoires et qu'on multiplie les contrats précaires dans un milieu où l'on manque cruellement de chercheurs, d'enseignants et de personnel d'appui, alors effectivement, l'ANR devient un problème. En ce sens, je veux dire que l'ANR est un peu la partie émergée de l'iceberg et que pour comprendre ce qui se passe autour de cette agence, il faut la recadrer dans ce qui se passe dans l'enseignement supérieur et la recherche contemporaine. Alors, on va commencer par parler de l'agence en elle-même, hein, puisque c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. Et évidemment, on est tendra aux autres solutions de financement de la recherche. Donc, néanmoins, vous disiez tout à l'heure, Sylvestre Huet, que chaque gouvernement a fini par maintenir l'ANR et s'inscrire dans une posture de continuité. Néanmoins, celui-ci propose, ou en tout cas affirme, qu'il veut changer les choses, qu'il veut repenser le rôle de l'ANR, qu'il veut repenser son financement. L'ancien patron de l'ANR a été limogé après l'élection d'Emmanuel Macron. Pour le moment, c'est une direction temporaire. La ministre et le président ont convenu qu'après une période de restructuration indispensable, une nouvelle impulsion devait être donnée maintenant à l'action de l'agence. Est-ce que ça veut dire qu'enfin, un gouvernement a pris la mesure des dysfonctionnements de cette agence ? Ça, on va le voir par les actions, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais pour vraiment comprendre l'affaire, il faut revenir sur l'origine de l'ANR et sur les intentions. Vous avez dit, en démarrage de l'émission, l'intention était bonne. Alors, le L, au lieu de L, pose un problème, parce qu'il y avait deux intentions contradictoires à l'origine de la création de l'ANR. Pour savoir si elles étaient bonnes, il faut se pencher sur les deux et on verra que c'est pas si simple que ça. L'ANR, en réalité, c'est la résultante de deux mouvements contradictoires. Le premier mouvement, c'est l'extraordinaire colère des chercheurs en 2004, avec le mouvement Sauvons la recherche. Colère provoquée par une décision budgétaire drastique du gouvernement de Chirac, qui, après avoir promis d'augmenter les budgets de la recherche lors de la campagne électorale, sabre dedans largement. Du coup, il y a ce mouvement avec les manifestations, etc. Bon, ok. Et puis, dans ces mouvements, il y a un aspect proposition. Et dans les propositions, il est vrai que pas mal de chercheurs impliqués dans ce mouvement proposaient de créer un guichet unique, national, auquel les équipes de chercheurs, les équipes menées par un individu ou deux individus, iraient demander de l'argent pour un projet précis. Cette idée est mise en œuvre par le gouvernement de Jacques Chirac avec la création de l'ANR dès février 2005. Ça va très vite. Vous dites d'ailleurs, Sylvestre, je vous interromps un instant, vous dites qu'il y a un paradoxe au départ, une ambiguïté de l'origine. Vous dites que c'est un projet créé par la droite sur l'initiative de chercheurs de gauche. Donc il y a une sorte de décalage politique, en tout cas dans la volonté. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes intentions. Quelles étaient les intentions des chercheurs qui proposaient ça ? Il y en avait deux principalement. La première, c'était effectivement de permettre à des jeunes chercheurs, notamment, de pouvoir demander un financement à une agence où il y aurait eu un conseil scientifique et des commissions spécialisées pour juger de la pertinence du projet scientifique proposé par une jeune équipe, sans passer par le circuit de financement habituel des organismes, des institutions, du CNRS, de l'INSERM, etc. Ça, c'était la première idée. Mais il y avait une deuxième idée derrière. La deuxième idée, c'était que le budget de cette agence viendrait s'ajouter au budget de l'époque des organismes de recherche, et non pas s'en retrancher. C'était une manière de dire au pouvoir politique, vous créez une nouvelle structure de financement, mais c'est parce que nous avons besoin de plus d'argent. Or, l'intention du gouvernement de l'époque n'était absolument pas d'augmenter le budget de la recherche, sinon il l'aurait fait ANR ou pas ANR. Il ne l'a pas fait. Et d'autre part, en réalité, ça a été de créer une structure qui lui permettrait piloter. Et ça, l'obsession à l'époque et jusqu'à présent, l'obsession des politiques de « il faut qu'on pilote la recherche », elle provient d'une analyse. Cette analyse, c'est que nous aurions en France une recherche trop déséquilibrée en faveur de la recherche de base ou fondamentale ou amont, c'est les mots comme on veut. Mais comme on n'a pas de fouet pour obliger les directions des organismes, les directeurs de laboratoires, etc., etc., à s'orienter vers de la recherche plus appliquée. Mmh. Alors, on va le faire, on va faire ce pilotage via le financement, via l'ANR. Donc, vous dites, Sylvestre Huet, votre réaction à cela, Patrick Petitjean et Yann Renisio, que dès le départ, l'intentionnalité politique de l'ANR, c'est de contraindre la recherche française à aller vers plus de recherche appliquée. Parce que c'est l'une des critiques qu'on fait régulièrement à l'ANR, hein, c'est de ne financer que les projets de recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale. Oui, je pense qu'il y a deux problèmes, dans ce qui a été dit. Il y a le problème du budget lui-même, et puis il y a le problème de la philosophie qui est derrière, la stratégie scientifique qu'on met derrière. Bon, pour le budget, on peut discuter sans s'étendre. On peut aussi dire qu'il y a besoin d'argent. Je veux dire, bon, ça c'est clair, tout le monde va être d'accord. Mm-hmm. Donc, mais ça c'est une décision. Bon, voilà, au niveau national, la France doit mettre tant de pourcents de son PIB. Les fameux 3% du PIB. Voilà, donc ça, c'est une chose. On est à 2,25 aujourd'hui. Hein. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est la philosophie scientifique qui est derrière. Et là, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fait, la philosophie a été un peu de contraindre la recherche à travailler d'une certaine manière, en utilisant une bonne intention, on est d'accord. Hein, tout le monde, je pense, se défend. Qu'il y a besoin d'une ANR, en fait. Enfin, moi, je pense qu'il y a besoin de l'ANR. Mais que c'est la philosophie derrière l'ANR qui ne va pas. Alors, je donne un exemple. Bien sûr, évidemment. Prenez, on a une heure pour discuter, prenez tout votre temps. Dans le contrat d'objectif et de performance qui définit la projection de l'activité de l'ANR de 2016 à 2019, la première chose qui sort dans le texte, c'est « l'ANR soutient l'excellence de la recherche scientifique française ». Et pour moi, et je suppose pour beaucoup de chercheurs, cette phrase n'a pas de sens. L'ANR ne devrait pas soutenir l'excellence, terme qui ne veut pas dire grand-chose, on peut en discuter, l'excellence de la recherche scientifique française. L'ANR doit soutenir la recherche scientifique française. Voilà. Yann Renisio, peut-être un mot aussi sur l'introduction via l'ANR d'une culture que je disais qui n'était pas une culture tout à fait française, qui est celle du financement sur projet. Oui, alors là, il faut faire un petit peu attention. Enfin, il faut rentrer dans des divisions, notamment par discipline. Les financements sur projet ont toujours existé. Bien sûr. Moi, j'ai mené une enquête avec des membres élus de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS sur les effets de l'ANR en sciences humaines et sociales. On voit déjà qu'à l'intérieur de ce groupe des sciences humaines et sociales, l'expérience des financements sur projet, l'adéquation des manières de travailler avec le format imposé de l'ANR, c'est un point important, le format imposé, est extrêmement variable. Si on demande à quelqu'un qui fait de la philosophie antique de motiver une dépense de 400 000 euros sur 4 ans, ça va peut-être pas être aussi évident que pour un économiste ou pour d'autres disciplines. Ça, c'est un point important. J'aimerais revenir aussi sur la question précédente, et je rejoins complètement Sylvestre. Je pense qu'il y avait plusieurs objectifs dans la création de l'ANR. Un qui était d'accroître la qualité de la recherche française, et là on peut dire qu'il y a un échec majeur, vu que avec un taux de sélection de type 10%... Autour de 10%, ça dépend des années. C'est ça. Mais bon, c'est remonté un peu ces dernières avec années. Une moyenne de 10% des taux de sélection, on peut pas penser que ça va améliorer la recherche française, vu que c'est une perte considérable de temps et d'énergie des chercheurs qui ont mieux à faire pour... En tout cas, la qualité passe pas par la rédaction de projets. Alors le deuxième objectif, par contre, et là qui est créateur de tensions au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est faut-il concentrer les ressources autour des meilleurs ? Ça, c'est des visions qui font clivage. C'est-à-dire que la question qui se pose derrière, c'est comment est-ce qu'on définit les meilleurs ? Et on va voir qu'il y a un problème de notation qui est structurel. Auquel on peut répondre en 3 secondes, qui est on n'évalue pas la qualité d'une recherche scientifique sur un projet. Ça s'arrête là. Par contre, par son mode de fonctionnement, ça je tiens à le dire quand même, l'ANR favorise structurellement des candidats qui ont 2 propriétés. Ceux qui disposent d'un savoir-faire antérieur dans la pratique de demande de financement, c'est un savoir-faire spécifique. Ça s'apprend et ça s'apprend pas partout. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est que selon les établissements et les laboratoires, les candidats peuvent disposer d'une infrastructure de soutien à la demande de financement. Aux États-Unis, on appelle ça les grants managers, et ce sont des gens qui sont en charge à temps plein de repérer quels sont les financements utiles, d'aider les candidats à le faire. Or, en France, les candidats qui ont l'expérience de longue date des financements et les institutions qui ont des grant managers, ce sont pas n'importe quelle institution, ce sont les institutions qui disposent déjà du plus de ressources. Donc en fait, l'ANR, derrière un message plus ou moins méritocratique du « on donne aux meilleurs », tend à amplifier des inégalités de ressources qui existaient initialement. Voilà. Sylvestre, un mot, et puis ensuite on va aller entendre un laboratoire et voir comment ça se passe concrètement, la demande de financement de projet. Mais juste un mot sur cette notion de financement par projet. Avant, il y avait différents fonds dans lesquels les chercheurs effectivement pouvaient aller, que les chercheurs pouvaient aller solliciter en fonction de leur discipline. Mais c'est vrai que comparé à d'autres pays, par rapport évidemment aux États-Unis, la Grande-Bretagne, je pense à l'Allemagne aussi, la France n'avait pas cette grande agence de financement. C'est ça que je voulais dire par ça n'était pas dans la culture française. Et le problème en réalité, c'est ce mot de projet. C'est un mot de publicité, c'est un mot de propagande, c'est un mot qui cache les véritables différences dans les natures des financements. Et les scientifiques se sont fait avoir par cette sémantique. Quand Patrick Petitjean oppose financement de récurrent par rapport au financement de par projet, d'une certaine manière, désolé, il se fait avoir. Pourquoi ? Parce que ça ne veut rien dire récurrent. Pour les gens, récurrent, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent, on vous donne un chèque en blanc tous les ans de la même valeur. Mais ce n'est pas comme ça du tout que ça marche en réalité. Les laboratoires de la recherche publique française, ils sont créés sur la base d'un projet scientifique, ils ont un directeur et ceci n'est pas ad vitam aeternam. Tous les 4 ans, c'est évalué. Mandats des directeurs de laboratoires sont limités dans le temps et on crée et on détruit des laboratoires sur les bases de projets scientifiques. En réalité, la différence de financement, c'est pas que d'un côté il y aurait un chèque en blanc, amusez-vous, faites ce que vous voulez, on regarde même pas ce que vous faites avec l'argent des contribuables, et de l'autre des projets, alors là c'est sérieux parce qu'il y a un vrai projet. En réalité non, il y a des projets dans les deux types de financement, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez un laboratoire avec des bâtiments, avec des équipements scientifiques qui peuvent durer 10, 15, 20 ou 30 ans, des développements technologiques dont la durée peut s'étendre sur plus que 3 ou 4 ans, qui est la durée maximale des projets de l'ANR, il faut bien un mode de financement qui soit en corrélation avec ces durées. Et le vrai problème de ce mot de projet, c'est qu'il ne permet pas de discuter réellement des avantages et des inconvénients de ces deux types de financement dont on voit bien, Patrick Petitjean l'a très bien dit, que c'est bien d'avoir les deux. Ce qu'il faut rechercher, c'est le bon équilibre et puis la bonne enveloppe globale. Patrick Petitjean, est-ce que vous avez l'impression de vous être fait avoir un peu à l'ANR? Bon, enfin, d'abord, vous avez dit d'abord que j'avais opposé les deux financements. Bon, bien sûr que non, hein. Et c'est plutôt ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que ces deux financements sont complémentaires. Après, on peut remettre en cause le terme récurrent, mais bon, voilà, il y a quand même de l'argent qui arrive au laboratoire chaque année. Après, évidemment, les laboratoires peuvent être mis en cause, etc., doivent justifier de ces financements, qui est tout à fait normal. Voilà, donc il y a ce côté-là. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas me faire avoir quand je fais des projets, parce que je pense que c'est très important. Enfin là, pour le coup, il est très important d'avoir ce financement récurrent, ça c'est sûr. Il faut que tous les laboratoires puissent travailler, ça c'est très important. Mais par-dessus, donc de façon complémentaire, il faut des financements sur projet qui sont vraiment des projets de recherche qui associent plusieurs laboratoires, qui permettent des synergies entre les équipes, qui permettent de tenter des choses. C'est plus la façon dont on met en place ces projets, donc voilà ce qui pose problème, plutôt que la conception elle-même. Donc c'est plus voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons de l'Agence Nationale de la Recherche, de sa vocation, de son avenir aussi. Et on voit que le bilan des 12 années depuis sa création est un bilan que vous avez pu entendre relativement critiqué depuis le début de cette émission. Et comme bien pour bien comprendre comment se passe concrètement la course au financement dans un laboratoire, que ce soit ces financements ponctuels sur projet en complément donc des financements dits récurrents, ce que signifie pour un laboratoire d'avoir ou non une ANR, eh bien nous sommes tout simplement allés dans un laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Christelle Sanlou qui est professeure à l'université Pierre et Marie Curie. Elle est responsable de l'équipe pétrologie, géochimie, minéralogie et magmatisme. Elle m'a expliqué comment se déroulaient les demandes de financement auprès de l'Agence nationale de la recherche et quels sont les recours laissés aux chercheurs lorsque l'ANR n'accorde pas de financement. En ce qui me concerne l'équipe et ce qui me concerne aussi, c'est des projets qu'on dit blancs, qui ne sont pas fléchés. C'est des projets collaboratifs, donc qui impliquent d'autres équipes, soit sur le campus, soit à l'extérieur. Donc il y a un gros travail de conception du projet, d'écriture du projet, surtout pour le porteur. Et puis après, comme on parle de projet collaboratif, il faut contacter les gens, il faut réunir les gens, discuter. Et l'autre chose qui prend beaucoup de temps, c'est que ces projets, en général, il faut qu'ils aient des résultats préliminaires. Donc il faut en amont avoir fait des choses, avoir démontré que c'était faisable. Donc c'est difficile à chiffrer tout ça, mais... Et les critères de sélection des projets de l'ANR, quels sont-ils ? En ce qui nous concerne, comme ce n'est pas des sujets fléchés, a priori c'est l'originalité et l'excellence de la recherche. Les projets sont examinés par des experts, par les experts français ou pas. Donc eux, ils regardent si le consortium tient la route, si les gens sont experts dans leur domaine, le projet en lui-même, donc ça c'est son excellence forcément, et puis si les moyens sont adaptés. Et dans votre vécu de chercheur, est-ce que l'ANR répond à vos attentes de façon régulière ou pas ? Le concept de l'ANR en soi est assez sain, de nous faire travailler, parce que concevoir ces projets c'est énormément de temps, c'est très chronophage, en même temps c'est vraiment sain de réfléchir en amont à un projet. Ça paraît évident, mais ce n'était pas évident pour tout le monde avant. Donc ça, c'est une culture assez saine sur projet. Le problème, c'est que l'ANR est sous-financée. Et donc, quand on a des taux de réussite qui sont de l'ordre de 10%, des taux de réussite, c'est-à-dire des... de sélection des projets, là, les côtés négatifs commencent à contrebalancer les côtés positifs. C'est-à-dire que les gens passent tellement de temps à écrire, les experts passent beaucoup de temps à travailler sur nos projets, et au final, il y a trop peu de projets financés. Quels sont les recours, du coup, quand l'ANR ne finance pas un de vos projets ? L'ANR finance des projets de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, quelques centaines de millions d'euros. Le CNRS a des petits financements qui ne vont pas financer, du coup, des salaires. L'ANR peut financer des salaires, mais qui financeront de l'équipement, des missions. Donc ça peut nous faire vivre quand même. C'est très important. Et sinon, il y a les très gros projets européens, comme le RC, qui finalement a un taux de réussite bien meilleur que l'ANR, à 25%, avec les mêmes critères de sélection des projets, et une expertise très sérieuse, mais avec un taux de réussite bien plus satisfaisant. Alors, est-ce que ça signifie, du coup, que sans même penser à soumettre votre projet à l'ANR, vous allez directement voir l'Europe et le RC ? En fait, les gens que je connais et moi-même, on a plutôt fait l'inverse. On a d'abord essayé l'ANR, on n'a pas réussi, on va tenter le RC, et puis on a le RC. Et puis après, il y a évidemment les partenaires privés. Donc ici, on est en sciences de la Terre. Donc il y a Total qui peut financer. Les gens qui font des verres, Saint-Gobain. Enfin, c'est des gens qui financent, qui travaillent avec les chercheurs. Donc, voilà, un projet. Donc on écrit en anglais, puisque les experts peuvent être internationaux. Donc on n'est pas obligé, ceci dit, d'écrire en anglais. Mais... Là, en l'occurrence, c'est d'essayer de comprendre si les gaz qu'on pense être complètement inertes, comme l'argon, où le xénon réagisse dans la Terre, par exemple. On doit remplir une trame, on va dire, proposée par l'ANR, donc le contexte du projet, ses objectifs, une deuxième partie sur son organisation et les moyens mis en place, et une troisième partie sur les impacts à la fois scientifiques et sociaux du projet. Est-ce que c'est pas contre-intuitif et finalement un peu contradictoire avec l'esprit même de la science qui parfois cherche sans savoir où elle va trouver ? Là, vous prêchez une convaincue. Le problème, c'est que si on ne démontre pas la faisabilité des projets, ça ne va pas passer, ça c'est sûr. Le RC prend beaucoup plus de risques. L'ANR peut, et ce n'est pas tellement l'agence qui force ça, je pense que c'est une des conséquences du manque de moyens de l'agence. qui fait que les collègues ont tellement peu d'argent, ils sont obligés de sélectionner tellement peu de projets, voilà, hein, ils vont aller à ce qu'ils sont sûrs qu'il va marcher. Voilà concrètement comment ça se passe dans un laboratoire en quête de financement sur projet. Je vais vous demander une réaction, je vais prendre des notes les uns les autres. Sylvestre Huet, est-ce que vous venez d'entendre ? Oui, pour comprendre en fait la situation, il faut se pencher sur le taux de succès. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure de l'efficacité, de l'intérêt de ce type de financement. Comment est-ce qu'on décide ? Qu'est-ce qu'on finance dans la recherche ? Mmh. Et en fait, ça a l'air un peu abstrait, et donc je vais le concrétiser. Si on prend sur une durée de 3 ans, qui est la durée moyenne des contrats de l'ANR, eh bien, on se rend compte que ça va concerner environ 5000 personnes, chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants, doctorants, ingénieurs, techniciens, etc. Pour les payer, leur salaire... L'ordre de grandeur, c'est 1,5 milliard d'euros pour ces 5000 personnes. Si on prend ce qu'ils vont toucher de l'ANR pour travailler, eh bien, ça va être environ 250 millions d'euros. Le problème, c'est que si vous calculez en nombre d'heures de travail le coût que représente l'écriture de tous les projets, pas seulement ceux qui ont été acceptés, mais aussi ceux qui ont été refusés. Et l'évaluation de ces projets, en faisant un calcul qui a été fait plusieurs fois, donc c'est assez robuste, vous arrivez à une somme de 35 millions d'euros d'équivalent heures travaillées pour faire ce choix. Est-ce que c'est intelligent de dépenser 35 millions d'euros pour savoir à qui on donne 250 millions d'euros ? Bien sûr que non. C'est extrêmement inefficace. Et pour... que ça soit plus efficace, il faut avoir un taux de réussite, qui, et c'est un standard international, ça n'a rien de français. En gros, dans un appel d'offres de projets compétitifs en sciences, si vous descendez en dessous des 25%, votre système de choix et devient coûteux et inefficace, chronophage. Et c'est vrai que c'est à peu près les standards dans les autres agences internationales. On peut néanmoins signaler qu'au début de l'ANR et au début du financement, les pourcentages de sélection, de réussite des projets étaient la plus élevés. La première année, c'était 25%. Voilà, et ensuite, après, ça a, fait, ça a chuté et aujourd'hui, on est à 10 points. En même temps que les budgets, on peut rappeler qu'au début, l'ANR était financée à hauteur de 650 millions d'euros à son maximum en 2009 et qu'elle est tombée à son plus bas à moins de 400 millions, à 390 millions en 2015. J'aimerais tout de même qu'on continue ce tour de table, Patrick Petitjean, sur le reportage que vous avez entendu dans ce laboratoire. En fait, d'abord, je voudrais dire que moi, j'ai trouvé ce reportage très juste. Cette personne, vraiment, a très bien résumé les problèmes et la situation. J'aurais relevé qu'elle a dit d'abord que la culture de projet était saine. Mmh. Et ça, je crois, en ceci, je crois qu'elle rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle dit que ça fait du bien de penser autour d'un projet. Voilà, ce sont ses mots. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de façon de faire, on va dire. Ensuite, bien entendu, elle a parlé d'une autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'évaluation est faite par les pairs. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose de très important, et je pense que les chercheurs sont très attachés à ça. Bon, donc, l'ANR fait c'est une évaluation par les pairs, mais bon, on peut discuter encore une fois de comment c'est fait. Et elle a bien dit que les comités avaient énormément de difficultés à choisir les projets, parce que encore une fois, parce que il y a uniquement 10% des projets qui sont retenus. Alors, je voudrais juste dire quand même un petit optimiste, un petit mot d'optimisme dans cette grisaille, c'est que je voudrais dire quand même que les comités sont composés de chercheurs, de vrais chercheurs. Bon, alors. On peut discuter de la composition, etc. Et il faut faire attention à cette composition. Mais vous avez été critique vous-même, néanmoins, pour casser un peu votre optimisme, Patrick Petitjean. Vous aviez été critique puisque vous faisiez partie d'un comité et vous disiez à ce propos que le problème de ces comités, c'est qu'ils couvraient toute la physique des particules, qu'ils avaient un champ d'expertise très large. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, justement, c'est la composition de ces comités qui, c'est une autre chose. Mais c'est quand même des chercheurs. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que parfois, ces chercheurs prennent quand même des risques. Et parfois, ben, même si évidemment avec 10%, on peut prendre très peu de risques, mais en tout cas, on le fait parfois. Donc je voulais juste, excusez-moi, revenir sur le fait que ce 10%, il est voulu. Il faut bien faire attention. Et donc je reviens sur la philosophie qui est derrière l'ANR. Encore une fois, on veut... c'est tout un discours, hein. On veut soutenir l'excellence. Alors j'aurais juste dire ceci, c'est, pour moi c'est presque stupide de parler en ce sens-là, et la raison c'est que tous nos chercheurs ont déjà été sélectionnés comme très excellents, parce que si vous regardez les recrutements, le taux de réussite au recrutement, c'est des gens qui, c'est des taux de réussite de 10%. Donc en fait, ces chercheurs, déjà, on les a pris parmi les excellents chercheurs. Donc maintenant, vous demandez à des jeunes chercheurs de faire des projets à l'ANR et vous en prenez 1 sur 10, c'est pas possible. Vous coupez de la majorité des chercheurs qui sont déjà, qui ont déjà été sélectionnés très fortement. La notion d'excellence déstabilise le système, selon vous, Patrick Petitjean. Yann Renizio, un mot tout de même aussi de réaction à ce reportage, est-ce que vous avez entendu? Alors, je l'ai trouvé également très intéressant et il faisait écho en fait aux entretiens que j'avais fait avec des gens qui avaient obtenu des financements. Oui. Alors là, il faut rappeler que vous travaillez, hein, que vous travaillez précisément là-dessus sur ce sujet en tant que doctorant. En l'occurrence, donc cette personne semble avoir échoué à l'ANR et s'être rattrapée à l'échelle européenne. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas le cas majoritaire. De même que l'université Pierre et Marie Curie n'est pas une université type en France, un laboratoire type en France. On est là face à un cas d'individus qui probablement disposent d'une infrastructure qui les aide. Un autre point sur lequel j'aimerais insister, je suis d'accord que c'est très important d'avoir l'ANR comme opportunité, mais là où il y a quelque chose d'un petit peu vicieux, en tout cas dans les sciences humaines et sociales, mais plus largement, je l'ai entendu chez des biologistes et autres, c'est que parfois, on n'a pas besoin de projet, mais on sait que pour un recrutement, pour une promotion, le fait de faire du projet, d'avoir du projet, des bruits courent régulièrement sur le fait que quelqu'un qui a obtenu un financement européen, il faut le recruter, par exemple. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une valeur symbolique attribuée à la compétence propre qui consiste à obtenir un financement. Pouvoir avoir accès au financement, c'est très bien. Le donner comme critère d'excellence d'un chercheur, c'est très problématique. Et pour revenir sur la question récurrente sur projet, il y a un point, moi, que je trouve assez amusant, c'est que donc il y a une institution qui s'appelle l'HCERS qui évalue les laboratoires. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Exactement, et qui donne des A+, A- aux laboratoires. Qui les note. Ce qui jouera, bien entendu, sur les fonds qu'on leur attribue, donc fonds récurrents, fonds de laboratoire, on va dire, attribués aux laboratoires. Un des critères d'attribution de ces fonds récurrents ou d'évaluation des laboratoires, c'est le fait d'obtenir des financements sur projet. Donc, si vous voulez, il y a un lien de causalité entre le fait de faire du projet et le fait d'avoir du récurrent. Mmh. Alors, et d'avoir là, une note et d'être noté. Quand on est dans un labo où on n'a pas forcément besoin... Juste un tout petit exemple, il y a des normes à l'ANR qui font qu'on ne doit pas dépasser un certain pourcentage du montant dans les déplacements. Ce qui est logique dans la plupart des disciplines, on n'a pas besoin de mettre 80% de son budget à faire une tournée des États-Unis pour présenter son travail. Maintenant, quand on est anthropologue, qu'on travaille sur les Huichol par exemple, ben en fait, si on demande des sous pour faire un projet, c'est pour partir au Mexique, étudier les gens, passer du temps là-bas. Et le fait de double cadrage de postes pour lesquels on attribue de l'argent et de montants. Des fois, on a besoin de 30 000, 40 000 euros. On se retrouve à demander 400 000 parce qu'on n'a pas d'autre guichet. Ce sont deux problèmes majeurs de l'ANR. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help des Beatles à 16h36 sur France Culture dans la méthode scientifique. Nous parlons tout au long de cette heure de l'Agence nationale de la recherche, de comment faire pour la réformer, de ses problèmes, mais aussi de quelques-unes de ses qualités. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Nous en parlons avec Patrick Petitjean, qui est astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris, ancien président du comité ANR physique subatomique, sciences de l'univers, structure et histoire de la Terre, avec Sylvestre Huet, qui est journaliste scientifique, auteur du blog Science au carré, et Yann Renier, postdoctorant en sociologie, qui a travaillé sur ces questions de financement de la recherche au Collège de France, associé au Centre Maurice Halbwachs. Alors, peut-être qu'on peut dire un mot tout de même de quelque chose d'important, parce qu'effectivement, on a aussi reproché, on ne va pas aligner la liste des reproches à faire à l'ANR, certaines technocraties, complications notamment. Peut-être quand même dire un mot du plan d'action, Sylvestre Huet, de ce plan d'action qui est publié tous les ans et auquel on a reproché d'être incompréhensible, d'être trop long, d'être rédigé de façon technocratique et d'être finalement d'une certaine manière complètement détaché des réalités de terrain, des laboratoires et des chercheurs. D'abord, il faut s'interroger sur l'origine de ça. Quand on regarde les promesses de l'actuelle direction de l'ANR pour faire mieux, travailler mieux, simplifier, il y a un chapitre qui s'appelle « Il faut juguler la démultiplication d'appels à projets sur financement public ». C'est pas moi qui le dis, c'est l'ANR qui dit qu'il faut juguler. Parce que depuis une dizaine d'années, au nom de la simplification du système de recherche et d'enseignement supérieur français, les politiques ont créé une multitude de nouvelles structures qui se sont empilées sur les structures existantes. Il y a eu les IDEX, les COMEX, les LABEX, les X dans tous les sens, maintenant les COMUE, les fusions, etc. Ça veut dire excellence. Voilà, oui. X, ça veut dire toujours excellence. On a rappelé Patrick Petitjean. Et la réalité, c'est que le paysage était déjà pas si simple que ça. Aujourd'hui, il est encore beaucoup plus compliqué qu'auparavant, et ça au nom de la simplification. On est vraiment dans la novlangue. Et la vraie question, c'est l'efficacité de tout cela. Pourquoi les politiques ont voulu faire ça? Ce qui est étrange, c'est que, pour des raisons historiques, le système de recherche français bénéficiait de grandes institutions scientifiques, le CNRS, l'INSERM, le CEA, etc., dont les dirigeants sont nommés par le pouvoir politique, avec des feuilles de route assez précises. Et une grande part des succès de la science française, pour aller vite, proviennent du fonctionnement de ces institutions. Par exemple, il y a eu un grand succès mondial avec la détection des ondes gravitationnelles. La France fait partie des très rares pays à participer à l'affaire, avec un instrument franco-italien. Voilà. On en a parlé ici beaucoup. Mais qu'est-ce qui permet à la science française d'être là-dedans? C'est parce que il y a des institutions pérennes, l'Institut national de physique des l'INDP3 au CNRS, qui, pendant le temps nécessaire, qui se compte en quinzaine, vingtaine d'années, a su investir patiemment, avec minutie, dans le développement des technologies qui permettent d'être dans l'aventure, et donc aux physiciens et aux astrophysiciens qui sont autour de ces instruments, de signer les papiers qui font l'admiration du monde scientifique entier. Et ça ne peut pas fonctionner avec un financement de type ANR qui a le nez sur le guidon et sur les quelques années qui viennent. Et d'une certaine manière, c'est complètement stupide de continuer d'avoir des institutions type CNRS, INSEMER, etc., si on prive leur direction de tout moyen de politique scientifique. Mmh. Or, c'est ce qui se passe. Bah, et non seulement on les prive de moyens d'une vraie politique scientifique de long terme que eux seuls, dans le système actuel, sont capables de prendre, mais en plus, on les tue à petit feu. Le CNRS a perdu, en quelques années, 10% de ses effectifs, comme c'est le plus gros employeur de science en France. C'est en volume considérable. On en avait parlé ici, on va vous mettre le lien sur Twitter, effectivement, de la lettre suite au départ d'Alain Fuchs, qui part prendre la direction de l'Université Paris Lettres et Sciences, qui en démissionnant du CNRS a effectivement eu des mots assez durs sur l'institution et sur le lien avec les pouvoirs politiques. Un mot, parce que bon, il est 16h40, on a entendu que c'est une agence qui fonctionne mal, qui a du mal à fonctionner, qui a produit trop de financement dirigé vers des sciences appliquées, vers certains domaines particuliers, on n'en a pas parlé, mais vers certains domaines de recherche comme le développement durable, les villes durables, l'éco-ingénierie, etc. etc. J'aimerais qu'on essaye de réfléchir un peu plus large, de voir un peu comment les choses se passent à l'étranger et de comprendre comment on pourrait précisément réformer cette Agence nationale de la recherche. On peut signifier déjà un progrès qui est un progrès récent, Patrick Petitjean. C'est le dépôt de dossier qui était un dépôt de dossier infernal. Yann Renizio, vous le disiez tout à l'heure, qui prenait un temps monstrueux à produire, donc du temps, donc de l'argent, qui prenait beaucoup d'espace dans la vie, dans la carrière d'un scientifique et d'un chercheur. Aujourd'hui, cette procédure a été simplifiée maintenant avec une première étape qui est juste un dossier de 5 pages. Donc ça veut dire qu'on a entendu, qu'on a compris que tous les chercheurs n'avaient pas tout ce temps-là à passer, qu'il fallait simplifier les procédures de demande de financement, Patrick Petitjean. Oui, enfin, si, c'est un petit détail, c'est la moindre des choses, donc. Oui, non, mais néanmoins, même si c'est un détail, on peut toujours le prendre. On est d'accord qu'il y a eu une petite simplification. Enfin, pour la petite histoire, donc j'ai fait la transition entre j'étais dans le président du comité quand il y a eu cette transition. Et en fait, cette transition a été inventée par l'ANR, non pas pour diminuer le travail des chercheurs, mais pour diminuer le taux, enfin pour augmenter le taux de succès. Parce qu'en fait, le taux de succès au deuxième tour est bien plus grand, bien entendu, puisque vous éliminez une partie des projets au premier tour. Donc, il faut faire très attention. C'est une petite histoire, mais bon, à la finale, c'est sûr que c'est mieux comme ça, bien entendu, c'est clair. Bon, il y a aussi une simplification des dossiers du deuxième tour. Bon, là aussi, il est normal de faire moins de pages, entre guillemets, donc d'alléger le travail. Mais j'oserais dire que c'est vraiment un détail par rapport au reste. Yann Renizio, on va citer Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, puisque c'est l'intitulé complet de son poste aujourd'hui. Elle parle d'appel à projet beaucoup plus simple dans sa volonté de réforme de l'ANR. Par une entrée par champ disciplinaire, un budget augmenté de 5% pour restaurer des taux de succès plus élevés et surtout développer la recherche partenariale avec les entreprises, notamment via les instituts Carnot, doubler la part de financement R&D des entreprises qu'elle confie aux laboratoires publics en France sur le quinquennat. Est-ce que ce sont des pistes qui sont suffisantes, nécessaires pour réformer l'ANR, pour changer son fonctionnement et la rendre plus efficace, selon vous? Bon, alors moi j'ai un peu étudié le cas états-unien de la National Science Foundation, NSF, qui en fait, si on la compare à l'ANR, et en fait l'ANR se compare constamment à la NSF, elle a des formats de projets beaucoup plus, une plus grande plasticité en fait. On peut candidater seul pour, je sais pas, demander 2 mois de recherche, un seul individu, quelques dizaines de milliers de dollars. Inversement, des énormes projets à plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars. Donc, s'il fallait, enfin, moi, je tiens pas spécialement à être force de proposition sur ce que l'ANR doit faire. Par contre, ce sur quoi j'aimerais bien insister, parce que je pense pas qu'il faille nécessairement jeter l'opprobre de tous les côtés sur l'ANR, mais sur sa fonction de concentration des ressources. C'est pas un rêve et c'est explicité. C'est-à-dire que quand en 2009 l'AEF interview Jacqueline Le Courtier et lui dit des critiques affirment que les bons laboratoires ont désormais trop d'argent grâce à l'ANR, elle répond, donc je cite, tant mieux. Toute ma carrière, j'ai vu les bons et les mauvais recevoir les mêmes sommes. Si les bons laboratoires ont trop d'argent, qu'ils arrêtent de concourir. Donc là, on voit le réalisme de la proposition. Leur réussite n'est pas étonnante. Ils savaient qu'ils étaient compétitifs et se sont rués sur nos appels d'offres. Donc, la directrice générale de l'ANR était dans une optique du « il y en a marre que tous les laboratoires aient de l'argent ». Il faut concentrer. Et ça, c'est une ligne de partage. Et l'ANR est un des agents dans cette ligne de partage qui légitime la concentration des fonds dans certains établissements. Donc, de ce qu'on pourrait appeler une recherche à deux vitesses. Sylvestre Huet, quel est votre avis sur la volonté de modernisation, sur les propositions qui ont été faites concrètement par la nouvelle ministre et le nouveau pouvoir en place? Il y a des choses qui ressortissent de l'évidence, comme moins de pages pour les dépôts de dossiers, etc. Mais le fond de l'affaire, c'est est-ce que les propos sont sincères ? Est-ce que les politiques disent vraiment ce qu'ils veulent faire ? C'est ça le problème. Parce qu'on en revient au début. L'ANR a une feuille de route qui est politique. La distribution de l'argent entre les différents champs et avec la distinction qui vient des politiques de amont, pas amont, fondamental, appliqué, etc. Ça, c'est une feuille de route qui est donnée par le politique. Et il faut se rappeler que, en réalité, à l'origine de l'affaire, il y a une analyse par les gouvernants de droite, mais aussi certains gouvernants de gauche, qui étaient la recherche française est trop académique, trop amont, trop recherche fondamentale, comme nous avons décidé de ne pas augmenter le budget, de ne pas augmenter le nombre de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens dans nos laboratoires, comme nous voulons une recherche qui nous aide plus à créer de l'emploi ou des choses comme ça, alors il faut que les chercheurs changent de sujet. Comment est-ce qu'on les fait changer de sujet ? Et en les privant du financement direct donné aux directions des organismes scientifiques. Parce que quand on met d'excellents biologistes, physiciens, matheux, géoscientifiques à la direction d'organismes de recherche, évidemment, ils ont tendance à faire progresser la connaissance. Et donc, on leur enlève l'argent. C'est pour ça que les directions du CNRS, de l'INSERM, etc. ont de moins en moins d'argent à distribuer directement sur la base de des chercheurs viennent voir des directeurs scientifiques et disent « Ah, j'ai une idée géniale, on devrait faire ça et ça ». Et banco, eh bien non, on fait tout un système dont l'objectif fondamental du point de vue de la destination de l'argent, c'est de faire d'opérer, c'est une bascule qui n'est pas complète évidemment, aucun dirigeant politique n'a décidé de tuer complètement la recherche fondamentale. Ils sont quand même pas fous à ce point. Mais ils veulent faire une réorientation. Et ils l'obtiennent par ce moyen-là. Et donc, parfois, la vérité arrive. C'est-à-dire que quand vous avez deux mandats, voire trois de droite au pouvoir, eh bien, en 2012, quand François Hollande fait sa campagne, il dit que oui, il faut redonner de l'argent à la recherche fondamentale, qu'il faut redonner de l'argent aux directions des organismes, etc., etc. Et puis après, en fait, il ne le fait pas. Et là, on va bien voir, mais pour l'instant, je ne vois pas dans le budget de la recherche 2018 plus d'argent directement donné aux organismes de recherche. Je vois pas d'augmentation parce que, en fait, tout ce qui est augmenté, c'est juste pour les obligations salariales du gouvernement. Et donc, finalement, je ne vois pas de changement important dans la répartition de l'argent pour la recherche en France. Patrick Petitjean. Oui, alors bon, j'aurais allé un peu dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a deux types de recherche tout de même. Il y a la recherche appliquée, donc et en particulier cette recherche appliquée, il est normal de rechercher des partenariats avec l'industrie et ça, l'ANR le fait par les instituts Carnot. Et puis il y a la recherche fondamentale, comme il a été dit. Alors là, moi, je vois dans ce que vous avez dit que on va augmenter de 5%. Le budget de l'ANR, 5%, ça me paraît complètement dérisoire. Et parmi donc sur ces 5%, on va doubler le budget pour les instituts Carnot, c'est-à-dire pour les structures de recherche qui sont engagées déjà dans la recherche partenariale avec l'industrie. Donc je pense que c'est déjà clair pour moi qu'effectivement, on ne sait pas ce que c'est que la recherche fondamentale. Et il faut quand même que les citoyens, après tout, vos auditeurs, sachent qu'en recherche fondamentale, on cherche des choses, enfin on étudie des choses pour lesquelles on n'a aucune idée. Je veux dire, donc en fait, il faut chercher partout, il faut que ça bouillonne, il faut que les idées apparaissent. Et ça, il faut forcément financer des projets qui il faut l'admettre, n'aboutiront pas à ce qu'on avait prévu. Et ça, il faut vraiment c'est très très important, quoi. Il y a des problèmes énormes, même en physique. On a l'impression parfois que la physique c'est une science, on sait ce qu'on fait. Non, on est coincé dans certains problèmes. On n'a aucune idée depuis 25 ans comment les résoudre. Il faut donc partir un peu dans tous les sens, et ça c'est très important. Et on l'a entendu à cette table et à ce micro dans la bouche de Jean-Pierre Sauvage, un prix Nobel de chimie l'année dernière, qui expliquait, après avoir reçu son prix Nobel de chimie, que s'il commençait sa carrière aujourd'hui, il n'aurait jamais pu certainement la mener telle qu'il l'a menée dans son laboratoire de Strasbourg et recevoir son prix Nobel pour les machines moléculaires. Yann Renisio, votre point de vue tout de même pour essayer d'apporter des idées ce financement de la recherche et à ce financement sur projet. Bien sûr, mais qui donc, financement sur projet, qui est un peu à la merci du contexte dans lequel il s'inscrit. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'au CNRS, il y a à peu près un candidat sur 10 qui est recruté. L'année dernière, en sociologie, au CNRS, il y avait 100 candidats pour un poste. Donc quand on est en amont du recrutement, parce que désormais il faut être titulaire pour candidater à une ANR, quand il y a une telle attrition, un tel taux de pression, comme disent les économistes, en fait, la présélection est telle que ce qui se passe après, on ne peut pas non plus imputer à l'ANR tous les maux. Non pas que je la défende, je pense que c'est clair, mais pour dire que vraiment, ça s'inscrit dans une politique nationale qui ne crée pas assez de postes, qui en détruit, qui n'en renouvelle pas, et que tant qu'on est dans cette dynamique-là, avec tout un discours qui dit que bien sûr ça va s'arranger, je vois pas de solution claire. Est-ce que, alors, on en parlait tout à l'heure, on va y revenir, parce que c'est souvent la critique qu'on émet envers les chercheurs en disant les chercheurs ne font que réclamer de l'argent, mais c'est tout de même le nerf de la guerre. On parle en général d'un objectif qui est l'objectif européen, qui est d'atteindre 3% du PIB consacré à la recherche en France. Donc on est loin du compte, on est à 2,3% à peu près. Est-ce que finalement refinancer un peu, vous faites la tête, on n'est pas à 2,3. C'est pas ça, je fais la tête parce que 2,25, c'est le total public-privé. Or, c'est pas le sujet. Là, on est en train de parler des deniers publics uniquement. On n'est pas en train de parler de l'effort de recherche globale de la France publique-privée. Mmh. L'effort de recherche publique en France, c'est 0,8% du PIB. Mmh. C'est-à-dire que c'est moins qu'en 1990. Et comme dans le budget 2018, c'est pas prévu d'augmenter, et que en revanche le PIB est censé augmenter de 1,5-1,7, les économistes même ou les gouvernants espèrent plus. Ça veut dire que la part du PIB que la France consacre à sa recherche publique va encore diminuer, et il faut pas se leurrer. C'est 0,8% du PIB pour l'ensemble de la recherche public, mais si on isole là-dedans ce dont on parle en ce moment réellement, c'est-à-dire la recherche de base, et pas la masse salariale, pas les frais de fonctionnement. Non, c'est pas ça, mais pas la mise au point de la fusée Ariane 5, par exemple. La recherche technologique, etc. On est en train de parler de la recherche de base, comme on dit. Ça, c'est quoi? C'est 0,2,03% maximum du PIB. Donc, en réalité, on est en train de parler d'un pourcentage dérisoire de la richesse nationale qu'on investit dans la R&D, dans la recherche de base. Or, tout le monde sait que, ou tout le monde devrait savoir, et en tout cas les politiques, que les vraies ruptures technologiques proviennent des coups de boutoir que les scientifiques donnent dans le mur de l'ignorance. C'est ce que Einstein, Dirac et les inventeurs de la mécanique quantique ont donné dans le mur d'ignorance de la physique, qui explique aujourd'hui l'essentiel de notre industrie avec l'électronique, l'informatique, etc., etc. Et on voit bien que pour progresser d'un point de vue économique, social, mieux gérer les ressources de la planète, on a besoin de ruptures technologiques, et ces ruptures, elles proviendront notamment de recherches qui se mènent tous azimuts en cherchant des idées vraiment nouvelles. Ça, c'est la recherche de base, c'est la recherche amont, et à force d'être pingre, vraiment pingre, avec la toute petite partie de notre société qui s'occupe de ça, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or de demain, pendant que d'autres pays, eux, ont compris qu'il fallait vraiment mettre le paquet là-dessus, pensons à la Chine. Yann Renizio. Oui, si je voudrais rajouter quand même un mot là-dessus, qui est que souvent dans ce genre de conversation, on parle beaucoup des chercheurs CNRS et pas des enseignants-chercheurs qui sont pas une force négligeable dans la production de connaissances, mais qui prennent de plein fouet ces transformations d'offres de financement et de systèmes comme ça, parce que eux donc sont censés théoriquement partager leur temps entre l'enseignement dans le supérieur et la recherche. Concrètement, font beaucoup, beaucoup plus d'enseignement, se voient attribuer des charges administratives considérables. Donc si là-dessus, ils doivent rédiger des appels à projets, créer du réseau pour constituer, pour essayer de rêver dans un futur pas trop éloigné de faire de la recherche, ben voilà, là aussi, c'est quelque chose qui fonctionne pas bien, quoi. Patrick Petitjean, peut-être pour conclure, est-ce que ce manque de culture scientifique qui est aussi assez caractéristique de notre pays par rapport à d'autres pays comme citons l'Allemagne ou les États-Unis, là pour une fois on a une ministre qui est une scientifique, est-ce que il faut aller parler, est-ce qu'il faut aller murmurer à l'oreille des gouvernants pour leur expliquer ce que vient de dire Sylvestre Huet pour dire que c'est 0,2-0,3% du PIB qu'être pingre aujourd'hui c'est tuer la poule aux œufs de demain? Parce que ce qui m'étonne, enfin ce qui je pense étonne les gens autour de cette table, c'est comment se fait-il qu'ils n'en soient pas conscients, hein. Donc effectivement, on peut se poser la question si la culture scientifique de nos dirigeants est tellement faible qu'ils ne sachent pas ce genre de choses qui paraît absolument évident. Et donc je voudrais dire que déjà je suis très content d'avoir participé à cette émission qui est une émission qui est effectivement essaye de remonter un peu la pente. Mais qui essaye en tout cas de s'emparer notamment des questions de politique de la recherche. Un mot aussi pour conclure, Sylvestre Huet, quelle méthode pour changer cet état de fait, pour ouvrir l'esprit, la connaissance de nos dirigeants à la culture scientifique et à ce constat qui semble être évidemment aberrant quand on le pose dans les termes dans lesquels vous l'avez posé? On va voir si Cédric Villani arrive à convaincre quelques députés. Cédric Villani, que nous avons tenté d'inviter beaucoup de fois ici, qui n'est jamais venu, je dis ça, c'est un message en passant, oui, bref. Convaincre quelques députés de voter des budgets plus favorables à l'effort de recherche français. Mais on voit bien que le point dur de la discussion, c'est que nos gouvernants, et y compris le gouvernement de François Hollande, obnubilés par le déficit public et par l'idée qu'il faudrait diminuer les dépenses publiques, fonctionnent exactement avec cette réflexion sur les dépenses de recherche, alors que on voit bien que c'est de ce côté-là que les politiques doivent chercher les voies d'un avenir meilleur pour le pays et pas dans le maintien de canards boiteux ici ou là. Eh bien, on espère que ce message aura été entendu. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Patrick Petitjean, merci Yann Renizio, merci Sylvestre Huet. On peut vous lire avec attention et avec intérêt sur votre très bon blog Science au Carré. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Hugo Bartholomé, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Élise Le à la technique aujourd'hui et Raphaël Béziquin au droit d'auteur.